Galaxy Sud. Le MAG des régions. Alors je suis Monsieur Mazin Didier, président des chasseurs du Haut-Ségala. Pour la deuxième année que nous organisons le concours de motos sur sanglier à Rio Pérou. Nous sommes partis cette année sur 32 motos et nous avons généré plus de 2 000 à 2 500 personnes en tout sur les 3 journées. Sur les terrains, tout s'est bien passé, à part 2-3 accrochages. Vu les conditions météorologiques, tout ça, il y a des sangliers qui sont plantés dans des champs ou des trucs comme ça, mais à part ça, tout a été bien, quoi. On ne peut pas dire, il n'y a qu'à voir l'ambiance qu'on a eue hier soir, tout ça, c'est fabuleux, quoi. Et Jacques Violette, trésorier de l'association. Bon, le mot de conclusion, parce que Didier il a à peu près tout résumé. On voit très bien une bonne ambiance rien que par ce dernier repas final. Et surtout, je voudrais remercier tous les jeunes qui se sont mis derrière le bar parce qu'à un moment, il y avait une très grosse foule, ils ont bien assuré tout. Et voilà, tout a été parfait. On va dire, il y a quelques petites bricoles, mais vraiment pas le cas d'en parler. Est-ce qu'on pourra rappeler aux auditeurs qui nous écoutent qu'est-ce que c'est exactement ce concours pour les amateurs ? C'est juste. L'amour de la chasse, point barre, et l'amour du chien. Voilà. C'est faire galoper des chiens derrière un animal, sans arme à feu, ce qu'on m'en peut reprocher il y a une semaine, parce que bon, soi-disant qu'il y a trop de sangliers et tout ce qui s'ensuit, mais bon, là, c'est un amusement. Voilà. S'amuser avec ses propres chiens, faire recouvrir des chiens, montrer d'autres meutes, montrer sortir de la région, voilà. Juste pour ajouter, les meutes apprécient les concours comme ça parce qu'ils s'améliorent tout le temps, ils se remettent en question qu'il y a toujours plus fort que la meute qu'on a. Donc c'est enrichissant pour eux et même nous, chasseurs. Voilà. On apprend. C'est vrai qu'on est toujours surpris de l'extérieur de voir ce lien fort entre le chasseur et son chien. C'est énorme, je veux dire, il faut le vivre avec vous. Ah, tout à fait. De toute façon, il faut aimer ça. Si vous êtes... Enfin, moi, comme j'ai tout le temps dit, il faut y être né dedans. Si tu n'y es pas né dedans, tu ne peux pas y arriver. Ça, c'est clair. C'est quelque chose, c'est inné, ça. Ou tu l'as dans le sang, ou tu ne l'as pas. Oui. Un petit mot par rapport à cette jeunesse qui est bien présente également, et la gente féminine qui est représentée aussi. Disons que nous, à la Société de Chasse de Rue Pérou, on a la chance d'avoir 28-30 jeunes, mais ils sont vraiment formidables. Les gens, vous pouvez leur demander n'importe quoi, ils sont tout le temps là, quoi. Ils viennent nous aider en permanent. Et là, je vois sur les 3 jours, ils ont fait un travail énorme. C'est, je ne sais pas comment vous l'expliquer, ça, c'est des choses, ils l'ont dans le sang, quoi. Ils sont entre eux, ils se bandent de copains, c'est ci, c'est là, c'est fabuleux. Ils ne se quittent jamais. Moi, quand je les vois, moi, j'ai l'occasion de les côtoyer tous les week-ends, c'est formidable. Puis c'est des chambreurs, alors donc on joue bien le jeu. Juste pour ajouter, ouais, c'est vrai que le féminin, depuis quelques années, ça y est, il a ancré dans la chasse. On a même vu des juges féminins, ce qui est vraiment extraordinaire. Félicitations à vous aussi, puisque sur tout le Ségala, vous drainez énormément de monde, autant au niveau des hôtels, des restaurants, du patrimoine, du terroir. C'est, voilà, au-delà du concours de meute, c'est tout un territoire qui est mobilisé. Ouais, tout à fait. Tous les gîtes qu'il y avait dans la région, ils ont été réquisitionnés, les hôtels, c'est un truc de ouf, quoi. C'est fabuleux. On ne s'en rend pas compte quand on le prépare, mais c'est après coup, quoi. La reconnaissance de tous les concurrents, c'est fabuleux, quoi. Ouais, pour dire, on avait 32 meutes en 2 jours et demi, il y avait 320 chiens. C'est ce qui fait le chasseur près du chien, c'est énorme, je veux dire, par rapport au nombre de chiens qu'on a pu voir. Ah oui, tout à fait. Donc, automatiquement, pour le territoire, les chambres, les hôtels et tout, c'est porteur pour tout. Voilà. En plus, on fait ça sur 36 communes. 36 communes, c'est pas rien, quoi. On part en gros de Rodez, on finit en Ajac, là-bas. Et la vallée de l'Aveyron, la vallée du Biore, c'est une organisation de dingue. Mais bon, voilà, quand tu aimes, ça se fait, quoi. Donc est-ce que le prémisse d'une 3e édition aura lieu ? Elle aura lieu l'année prochaine à la même date, puisqu'on a regardé, ce matin. Elle devrait tomber le 13 février prochain, en 2027. Oui, 13 et 14. Donc rendez-vous l'année prochaine. Parfait. Je suis sûr que la seule des choses que vous souhaitez pour le moment, c'est un petit peu de repos, c'est ça? Tout à fait. Je vous le fais pas dire. Le vendredi, nous pesait un peu, mais ça s'est bien déroulé. Voilà. Alors, Franck Couchette, président de la Société des chasses de Rupérou. Donc, on est là ce week-end pour la deuxième édition du concours de meute de chiennes Courage sur Sanguier. Pour cette année, je pense que c'est une belle réussite, malgré qu'on n'ait pas eu trop de beau temps avec nous. Un monde de fou, une jeunesse pas possible, une ambiance pas possible, tout s'est très bien déroulé. Donc on va passer à la remise des prix par la suite là et voilà. Un petit mot, vous avez tourné dans tous les secteurs du Ségala cette année comme l'année dernière? Ah oui, on a fait comme l'an dernier sur 8 secteurs sur le Ségala. Un secteur qui part de Mouy-Razès jusqu'à Villefraîche, en passant par Najac, Nocelles, et qui remonte là-haut, quoi, tout le Ségala. Sans voilà. Compter des clubs de chasse des quatre coins du département et même au-delà de la région. Tout le grand sud de la France, hein, je pense qu'il y en a des gars de partout qui viennent. Voilà. Bon, mais Julien Fraisse, je suis coprésident du coup avec Didier Mazenc, qui avait monté l'association il y a quelques années. Et du coup, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a porté haut et fort les valeurs du chien courant qu'on a ici. On a quand même comme tradition. On appelait ça les chasseurs du Haut-Ségala parce qu'on est sur le plateau justement du Ségala et on a bien porté les valeurs du chien courant. Donc c'est la deuxième édition et qui s'est encore mieux passée, je pense, que la première avec une ambiance formidable. On a encore battu des records, on va dire, d'affluence, de repas, et on est très content. Et toujours de plus en plus de jeunes. Et c'est vrai que ça, c'est quand même le plus important de fédérer et d'avoir beaucoup de jeunes pour l'avenir, on va dire, de la ruralité. Voilà. On a senti aujourd'hui sur la scène que la valeur humaine et surtout l'équipe de bénévoles et de cette jeunesse qui est présente, vous avez touché? Ah oui, moi je suis on va dire c'est une famille, l'équipe du les chasseurs du Haut-Ségala, en fait oui, c'est une famille des différentes communes. Moi j'avais une famille avec les chasseurs de Rupérou et maintenant à travers les autres communes qui nous aident, qui sont dévouées pour que cette manifestation se passe bien, sinon c'est rien. Et c'est vrai que c'était un pari qu'on s'était donné. Peut-être j'en suis, on va dire, l'investigateur, mais c'est si j'ai tout seul, je ne peux rien faire. Donc si j'ai pas des gens qui suivent derrière et qui suivent, ils font plus que suivre, ils prennent même les rênes. Donc c'est très bien. C'est très bien. À nos côtés, on n'est pas loin de la buvette. Je vois la Diane à Cajarcoise, je vois des chasseurs des quatre coins de la région et même au-delà. Oui, exactement, parce qu'en fait, aujourd'hui, bien sûr, on prend ce qui nous importe, nous, la fac de l'Aveyron, c'est d'avoir toutes les meutes aveyronnaises représentées des différents territoires, que ce soit du nord, il y avait des équipes du nord Aveyron, du sud Aveyron, de l'est, de l'ouest. Mais après aussi de partager ces valeurs-là avec d'autres départements, parce que c'est un rassemblement, justement, c'est un rassemblement de partage. Donc c'est vrai que c'est très important. Très important d'avoir du monde de tout coin. Et puis on voit aussi, c'est là où on apprend, parce qu'on a une autre vision, une autre approche, et ça permet d'échanger et d'avancer. Voilà. Sans oublier vos partenaires institutionnels également qui sont présents chaque année. Chaque année, que ce soit l'Ourson, Solignac, la Fédération des chasseurs. Maintenant il y a Nature Doc, on a Contour Nature Aveyronnais qui nous fait tous les lots. Cette année il y a Steve Attention qui est venu, JB Hunt, voilà. Mais c'est important parce qu'ils sentent qu'aussi il y a de l'engouement pour ces manifestations et puis on a besoin d'eux. Bon, après quelques jours de repos bien mérités, on se retrouve l'année prochaine. Exactement, la troisième et dernière édition du concours de meute sanglier du Haut-Ségala. Et après, c'est vrai que c'est bien qu'on a fait venir aussi des nouveaux, enfin des gens extérieurs qui ne chassent pas du tout, au moins ils découvrent qu'il n'y a pas non plus que la chasse avec le fusil. Il y a aussi la passion du chien qui tourne autour, qui gravite autour de ça, et ça c'est peut-être la plus belle image à faire passer. Voilà, on a souvent parlé ce week-end de la place également du chien qui est essentiel. Ah ben, de toute façon, ici, s'il n'y avait pas de chien, on ne serait pas là. Donc c'est l'essentiel. On part du chien et après on fait une manifestation. Parce que c'est uniquement le travail du chien ici qu'on veut voir. Bon, alors, je m'appelle Jacques Constant. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis né dans les chiens courants. Déjà, quand j'étais mioche, petit, tout petit, ma grand-mère, pour me bercer, me racontait des histoires de chasse de chiens. Ce qui m'a donné le virus. Mais le virus était déjà dans la famille, il faut le savoir. Donc, j'ai quand même 77 ans. J'ai toujours des chiens et je chasse encore. Voilà. Et pour les concours à femmes, puisqu'on en parle, puisqu'on y est. Alors, premièrement, l'Aveyron est un des départements qui fait les plus beaux concours qui existent en France, je pense. Parce que c'est pas pour dénigrer qui que ce soit. Mais franchement, 32 meutes dans un biotope pareil, c'est inimaginable. L'organisation était au top, à Rieux-Pérouse. Et en général, dans l'Aveyron, tout se passe très bien. Dans les départements Aveyron, je vous le dis franchement, ce que j'en pense. Hein. Aveyron, Tarn, Lozère, les départements... Tous les départements du sud, les concours sont d'une convivialité exemplaire et d'un niveau très élevé. Ensuite, je ne sais pas ce que je vais vous dire, de moi, ça n'intéresse personne, mais c'est Sylvain qui va représenter mieux que moi la FAC en général, puisqu'il est président de notre département. Donc moi, c'est Sylvain Paléré, donc je suis le président de la FAC Aveyron. Donc la FAC, qu'est-ce que c'est ? C'est l'Association française pour l'avenir de la chasse au chien courant. Il y a 72 FAC en France. Nous, c'est la FAC 12, donc de l'Aveyron. Nous, on est 500 adhérents et au niveau national, il y a 13 500 adhérents. Donc ça en fait la plus grosse association cynégétique française. Au niveau de la chasse, beaucoup de chasseurs viennent à la chasse par le chien courant. Et ça, c'est une belle chose parce qu'au niveau de la chasse, ça apporte énormément et ça permet de faire évoluer cette chasse et ces mentalités-là qui sont déjà bonnes mais qui permettent d'être encore meilleures. Voilà. Après, au niveau de la FAC Aveyron, donc on organise 5 concours départementaux, un concours départemental chevreuil, lièvre, sanglier, en meute les 3, un concours chien de pied et un concours rapprocheur. Et cette année, au niveau Aveyron, on organise en plus le national rapprocheur qui se passera à Bozoul. Voilà. Vous avez insisté sur l'estrade de l'importance du chien qui a une place essentielle. Oui, les chiens courants, c'est beaucoup de nos... Détracteurs disent n'importe quoi d'ailleurs, que nous n'aimons pas nos chiens. Les chiens courants, sans eux, nous ne chasserons pas. D'ailleurs, sans les chiens courants, peut-être l'humanité n'existerait pas finalement. Parce qu'au départ, l'homme ne savait pas chasser. Et puis le chien sauvage en nature, ou peut-être le loup, une variété de loup, je ne sais pas, se sont rapprochés. Et l'homme s'était aperçu que dans la nature, il y avait un animal qui chassait mieux que les autres, c'est-à-dire qui était capable de pister. Et comme l'homme qui piégeait pour se nourrir s'est associé avec le chien, est-ce que le chien s'est rapproché de l'homme ou l'homme du chien ? Les légendes disent que c'est le chien qui s'est rapproché de l'homme. Dans toutes les légendes, quelque part, il y a une part de vérité. Donc moi, j'aime dire que c'est le chien qui s'est rapproché de l'homme. C'est pour ça que ce sont nos amis, vraiment nos amis. Et grâce au chien, l'homme a pu se nourrir plus correctement. Et c'est de là qu'est partie l'humanité, qu'on le veuille ou non. Voilà. Un petit mot, simplement, le concours de meute de l'époque et le concours de meute d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu une évolution ? Il y a certainement eu une évolution, déjà par le nombre de participants. Énormément de gens et de jeunes gens, ce qui fait plaisir. Beaucoup de jeunes ont des chiens courants et viennent à la chasse. Dans les concours, on ne vient pas pour gagner. On ne vient pas pour tuer puisqu'on ne prélève pas des gibiers. On vient pour s'amuser, on vient pour se rencontrer, on vient pour l'amour du chien, tout simplement. Ce que j'allais dire en bafouillant, c'est que pour nous, les chiens sont une partie de notre vie, mais pour eux, pour nos chiens, nous sommes toute leur vie à eux. Il ne faut pas l'oublier, ça. Moi, c'est moi qui le dis, ça, je l'ai réinventé, mais c'est moi qui le dis. À force d'essayer de comprendre ce que me disent les chiens, j'en arrive à savoir ce que pensent les hommes. Et ça, je ne l'invente pas, c'est vrai. Bon, Nathan Ponce, à FAC 12. Je chasse avec de l'eau de chienne croisée Gascon Bruno. Voilà. D'où est venue cette passion de la chasse ? Depuis tout petit avec ma famille qui chassait le lièvre et je me suis mis au sanglier il y a une quinzaine d'années maintenant. Voilà. Donc aujourd'hui vous étiez à la deuxième édition de ce concours de meute à Rieux-Pérou. Un petit mot ? Très belle édition, merci aux organisateurs et à tout ça, c'était vraiment une réussite.